Radiomatic. Transmission 281 d'Audiomatic s'amorçait avec le groupe américain The National et la chanson Little Faith, extraite de leur cinquième album High Violet, paru en 2010. Les sonoristes poursuivent les transmissions d'audiomatique en étant délocalisés dans leur studio personnel afin de remplir le vide qui serait autrement laissé par la fermeture du lieu dans lequel se trouve le studio de C'est fou. Les transmissions seront toutefois diffusées sur les ondes du 89.1 FM, comme à l'habitude, les mercredis à 17h. Thank you.

Nous venons d'entendre la formation Sonic Youth et la pièce Mole tirée de l'album Goo, sorti en 1990. Et avant Sonic Youth, c'était la formation NTRSN et la pièce Parascope apparaissant sur le second album Hardlines. À Audiomatic, nous enchaînons cette fois avec le groupe québécois X-Ray Zebras. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Thank you. Thank you. conclusion de ce segment musical à Audiomatique, nous entendions la formation britannique de Cinematic Orchestra qui nous interprétait sa composition Burnout de son deuxième album studio intitulé Everyday et sorti en 2002. Tout juste avant, il s'agissait de la pièce Raw Sound du groupe X-Ray Zebras, originaire de la région de Québec. Cette pièce est tirée du mini-album Raw Beat, lancé en 2014. Audiomatique se poursuit avec Shabaka and the Ancestors. toujours à Audiomatic. Cette séquence musicale composée d'une seule pièce mettait en valeur l'œuvre du groupe Shabaka and the Ancestors, menée par le saxophoniste britannique Shabaka Hutchings. La pièce que nous avons entendue, intitulée The Sea, apparaît sur le premier album de Shabaka and the Ancestors, intitulé Wisdom of Elders, et paru en 2016. Soulignons au passage que le groupe vient tout juste de sortir son nouvel album, We Are Sent Here by History. Pour conclure cette transmission 281 d'Audiomatic, nous écouterons la musique du groupe The Sumner Brothers, qui est basé à Vancouver. De leur album The Hell in Your Mind, paru en 2015, nous vous offrirons la chanson Go This One Alone. Les sonoristes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre la transmission 282 par le biais des ondes analogiques de la radio CIFU 89.1 FM. Et comme toujours, cette transmission sera archivée à la suite des 281 autres et accessible sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici The Sumner Brothers et la pièce Go This One Alone. C'était Audiomatic avec les sonoristes.